LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ces femmes qu'il a aimées de manière très diverse, ce sont des femmes qui n'avaient pas peur de la vie et de courir des risques, qui se sont engagées, qui d'une certaine manière contribue aussi à créer autour de la figure de Kafka un halo posthume de courage. Chacune des femmes qu'il a rencontrées porte une partie du destin juif et du destin européen. Milena Mortara Wensbrück, Dora qui porte la mémoire du Yiddish en Angleterre, Félix qui, après s'être réfugié en Suisse, gagne les États-Unis et donc se sauve. Tout est là. L'amour et l'écriture, chez lui, sont une même chose. Ils sont le lieu d'un drame où il s'agirait de substituer à la loi quelque chose d'autre qui n'a pas de nom, qui ne peut que s'écrire et se consumer en s'adressant à quelqu'un d'autre, en l'occurrence à une femme. Kafka, quatre femmes. Félicé, Milena, Dora, Otla. Une série documentaire de Ruth Zilbermann, réalisée par Julie Béressy. Deuxième épisode, Milena de Prague, l'art de rester debout. L'ordre du monde n'avait pas le même sens pour elle que pour le reste d'entre nous. Elle brisait les règles chaque minute de chaque jour. Elle prenait ce qui lui revenait, même si les gens normaux appelaient cela du vol. Rien ne lui était impossible. Quiconque était aimé et protégé par elle se sentait libre d'agir sans méfiance. Elle pourvoirait à ce dont il avait besoin. Argent, enchantement de l'amour, séduction, élégance, intrigue. Milena arrachait, point serré, les bienfaits du ciel. C'est ainsi que Villiaas, à qui nous devons la première publication des lettres à Milena dans les années 1950, parlait de son amie, la généreuse, la transgressive Milena Jesenska. Milena, dont l'œuvre, le visage, furent longtemps dissimulés par l'ombre immense de Franz Kafka, avec qui elle entretint pendant le printemps, l'été et l'automne de l'année 1920 une relation épistolaire passionnée. Pourtant, si les lettres que Milena Jesenska écrivit à Franz Kafka ont disparu, la voix de celle qui traversa avec toute sa vitale lucidité les déflagrations du premier XXe siècle, de l'Empire austro-hongrois jusqu'au camp nazi, continue, intègre, de résonner jusqu'à nous. Comme je t'aime. Et je t'aime, tête dure, comme la mer aime le menu gravier de ses profondeurs. Mon amour ne t'engloutit pas moins, et puissais-je être aussi pour toi, avec la permission des cieux, ce qu'est ce gravier pour la mer. Comme je t'aime, j'aime le monde entier. Ton épaule gauche en fait partie. Ah non, c'est la droite qui a été la première, et c'est pourquoi je l'embrasse s'il m'en prend fantaisie. Et si tu as l'amabilité de la dégager un peu de la blouse. Ton autre épaule en fait aussi partie, et ton visage au-dessus du mien dans la forêt, et ton visage au-dessous du mien dans la forêt, et ma tête qui repose sur ton sein, presque nu. Et c'est pourquoi tu as raison de dire que nous n'avons déjà fait qu'un. Ce n'est pas cela qui me fait peur, c'est au contraire mon seul bonheur, mon seul orgueil, et je ne le limite pas à la forêt. Quand je dis que tu es ce que j'aime le plus, ce n'est peut-être pas de l'amour à proprement parler. L'amour, c'est que tu es le couteau que je me retourne dans ma plaie. Nous sommes devant ce lac de Schwed, ce grand lac qui existait déjà avant le camp. Les cendres du crématoire étaient versées au lac, un peu partout. Camp de concentration de Ravensbrück, Thomas Kunz, historien. Et maintenant, nous nous déplaçons vers ce mur, c'est le mur original d'enceinte. Et il y a depuis quelques années des plaques commémoratives. Se sont écrits les noms des nations desquelles des femmes étaient déportées à Ravensbrück, Italien, Jugoslawien, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Spanien, Tchécoslovaquie. Maintenant, nous sommes directement devant cette plaque qui est dédiée à Milena Jesenská. Et c'est en tchèque et en allemand. Milena Jesenská, journaliste et traductrice. Elle était une de plus de 2200 femmes tchèques déportées à Ravensbrück, médiatrice entre les mondes tchèques, juifs et allemands. Elle soutenait des persécutés en essayant de s'enfuir à l'exil. Elle était déportée à Ravensbrück en octobre 1940, où elle est morte en mai 1944. C'est quelqu'un qui n'avait peur de rien. Elle était portée par des convictions profondes et elle n'avait peur de rien. Elle se donnait entièrement, que ce soit dans sa vie privée, plus tard en politique, elle était entière. Il n'y avait pas de compromis. Hélène Belletto-Sucel, traductrice. Elle est née en 1896. Elle a grandi dans un milieu, en principe, plutôt protégé. Son père était un stomatologue connu et chirurgien de la face aussi. Il a réparé des blessés de guerre après la Première Guerre mondiale. Alors, c'était un milieu aisé. Et en même temps, c'était un milieu un petit peu difficile, en ce sens que très vite, sa mère est tombée malade. Elle est morte quand Milena avait 16 ans, à peu près. Très clairement, elle est issue de cette bourgeoisie tchèque. Xavier Galmiche, professeur en littérature tchèque et culture centre-européenne. Et le père de Milena, le docteur Jesenský, il est vraiment le représentant de cette espèce de fierté nationale avec de longues racines vraiment qui remontent à l'âge baroque et qui a trouvé dans les luttes nationales du 19e siècle une sorte de deuxième élan. Et donc, il y a bien sûr tout ce qui fait un bon nationaliste tchèque, c'est-à-dire quelqu'un de combatif, qui pense que le sens de l'histoire marche pour lui, pour sa nation, et un immense appétit de connaissance. La Prague tchèque du 19e siècle, c'est une Prague qui se vit comme une ville de savoir. Et le combat national se mesure aux conquêtes que le savoir apporte en termes de savoir tchèque. Il voulait quelque chose pour sa fille, il voulait qu'elle réussisse. C'est pas par hasard qu'il l'a envoyée au lycée Minerva. C'était un lycée où les filles recevaient une vraie éducation. Il ne s'agissait pas de les éduquer aux tâches ménagères, il s'agissait d'apprendre le latin, le grec, l'allemand, etc. Les jeunes filles qui sont envoyées au lycée Minerva sont vraiment des jeunes filles qui sont élevées dans cette idéologie, qui est une idéologie à la fois nationaliste et progressiste, et qui est aussi une idéologie féministe. Car depuis le début du 19e siècle, émancipation nationale, émancipation féminine marchent ensemble. Et donc, on peut parler des Amazones de Bohème qui inspirent cette image de matriarcat bénéfique et finalement de conquête du pouvoir par les formes douces du savoir et de la sagesse. Marie Jiraskova, éditrice des œuvres complètes de Milena Jesenská. Ce qui était exceptionnel, c'est que c'était en 1890 le premier lycée pour filles, uniquement pour filles, à être fondé dans toute l'Europe centrale. Milena a commencé à y étudier en 1907, jusqu'à son diplôme qu'elle a obtenu en 1915. À cette époque déjà, les filles de Minerva avaient une réputation d'excentrique, de provocatrice, bref, de filles très indisciplinées. On a beaucoup de photos, c'était une très jolie jeune fille, jeune femme. Bon, on dit qu'elle cultivait un petit peu le côté androgyne. C'était plutôt une façon de s'affirmer comme ne voulant pas être cantonnée justement dans une cuisine et réservée pour des réceptions dans la bourgeoisie, etc. Enfin bon, il y avait tout un désir d'émancipation, un désir de s'affirmer. Elle se caractérise par la passion aussi très tôt dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle entreprend, si elle estime qu'elle doit intervenir d'une manière ou d'une autre pour rétablir l'équilibre, elle le fait. Elle se pose même pas de questions. Elle peut aller voler des fleurs dans les cimetières pour les donner à quelqu'un à qui elle a envie d'aller offrir des fleurs. Někdy kolem roku 1915, to už bylo teda po maturitě. Vers 1915, elles étaient déjà diplômées. Milena et ses deux meilleures amies, Stasha Prochaskova et Yarmila Amrozova, étaient toutes les trois considérées littéralement comme des émeutières. À cette époque, Milena s'était vraiment émancipée, en particulier de l'ordre que voulait lui imposer son père. On raconte par exemple qu'un jour, elle a été jusqu'à traverser la Vltava à la nage pour rejoindre un amant qui était sur l'autre rive. Milena et ses amis avaient aussi pris l'habitude de se promener dans Prague. À l'époque, la ville était divisée entre une promenade allemande et une promenade tchèque. Mais ces filles se sont aussi aventurées du côté allemand. Elles y ont fait sensation. Nous nous trouvons ici dans le café Narodny, ce qui veut dire national, Narodny Kavarna, qui est un café qui a été fréquenté par toute cette faune intellectuelle pragoise, entre autres par Milena Jesenska. Peter Fleischmann, historien et petit-fils de Stasha Prochaskova, la plus proche amie de Milena. Et c'est très curieux ce qui se passait ici dans les années qui précédaient la Première Guerre mondiale. Prague, qui était une ville donc tchèque, avec une grande majorité tchèque, mais il y avait également beaucoup d'Allemands qui habitaient ici. Et disons, les tensions nationales étaient telles que finalement, les Tchèques se promenaient ailleurs, avaient leur corso ailleurs que les Allemands. Alors ici, sur cette avenue Ferdinandstrasse, se promenaient les Tchèques, parmi lesquels se trouvait même Milena, alors que les Allemands, ils se promenaient dans le prolongement au-delà de la place Venceslas, dans l'avenue qui s'appelle Napsukopie. En allemand, ça s'appelait Graben. Et Milena et ma grand-mère ont réussi à franchir Moustek, sont allées se mêler du côté des Allemands, donc elles étaient habillées d'une façon très originale pour l'époque. Admiratrices d'Isidora Duncan, elles avaient des cheveux qui flottaient au vent. Ça n'intéresse pas les frontières. Enfin, ça l'intéresse dans la mesure où elles peuvent être franchies. Alors qu'elle, elle est d'un milieu chrétien, de langue tchèque. Ces gamines, là, ce groupe du Minerva, elles circulaient beaucoup et elles allaient dans les endroits qui les intéressaient. Donc le café Arco, le fameux café Arco, où se retrouvaient tous les intellectuels de langue allemande, mais qui étaient tentés par un rapprochement avec les intellectuels tchèques. Alors, café Arco, elles ont rencontré une autre faune intellectuelle pragoise, mais celle-ci constituait d'écrivains de langue allemande, essentiellement juifs. Alors, et Milena et ma grand-mère se sont très intimement liées avec ce milieu-là. C'est là qu'elle a rencontré, entre autres, Franz Kafka. Mais elle n'a pas de contact avec Kafka à ce moment-là. Elle rencontre Ernst Pollack, qui est devenu son mari. Ça a été le coup de foudre. Ernst Pollack n'était jamais krasavec. D'après ses contemporains, Ernst Pollack n'était pas ce qu'on appelle un bel homme, mais il avait un charme immense auquel beaucoup de femmes ont succombé. Milena a certainement aussi été attirée par sa grande culture, son érudition en matière d'art, de littérature. Cette relation a été un grand choc pour son père, le professeur Jesenský, qui était quand même un nationaliste assez rigide. Il a très mal pris que Milena devienne amie avec des Allemands et des Juifs. C'est en 17 que la relation a commencé avec Polak. Et c'est en 17 que son père s'est fâché et qu'il l'a même envoyé dans un hôpital psychiatrique pour mettre fin à la relation. Mais il n'avait pas prévu que Milena, qui était charmante, enfin qui savait séduire les gens, les mettre dans sa poche, elle a réussi à faire en sorte qu'une infirmière lui donne la clé de l'hôpital psychiatrique et elle allait retrouver Polak qui avait pris une chambre dans le coin. Mais il y a passé plusieurs mois et son père a fini par céder en mettant comme condition qu'elle quitte Prague. Parce que c'était quand même un peu la honte. Un juif, allemand. Donc il a accepté le mariage à condition qu'elle parte à Vienne. Et ils vivent pas très bien parce que Polak n'avait pratiquement pas de ressources. Elle non plus. Elle donnait un petit peu de cours. Elle aurait donné des cours à Hermann Broch. Elle portait des valises à la gare. Enfin, elle faisait un peu tout ce qu'elle pouvait faire pour rapporter un petit peu d'argent pour faire tourner la maison, parce que Polak ne gagnait rien du tout. Et puis surtout, Polak ne la traitait pas très bien. Il la trompait abondamment, l'ignorait. Milena wollte ja zuerst ihr Geld durch Übersetzungen. Rainer Stach, biographe de Franz Kafka. Milena a d'abord voulu gagner sa vie en traduisant. C'était sa première idée. Mais ensuite, comme elle avait encore des relations à Prague, et notamment des journalistes, la rédaction d'un grand quotidien tchèque l'a sollicité pour qu'elle écrive des reportages sur Vienne. Berichte aus Wien schicken, und das hat sie gemacht. C'est ce qu'elle a fait. Et les lecteurs ont tellement aimé ces reportages, qui étaient si vivants, que les ventes de ce quotidien se sont mises à augmenter. Voilà comment elle a débuté dans le journalisme. Les gens de l'époque, les lecteurs, étaient stupéfaits par ce ton nouveau, si vivant. Imaginez le spectacle qui s'offre à vous aux approches de la gare d'une grande ville. Le côté court de ces maisons collées les unes aux autres. L'éclairage gris jaunâtre des cuisines et des paliers. Imaginez un soir du mois d'août, la ville brûlante et déserte, un manège de faubourg avec son orgue de barbarie, ses perles de diamants bleus et ses chevaux de bois, une scène d'extérieur de cinéma où l'on voit défiler la ville et les lointains au son du boum tata du piano. C'est le dimanche des faubourgs. Dans le centre-ville, on peut encore croire à la splendeur, à la corruption, au talent, au but à atteindre. Dans la périphérie, l'être tourne au néant comme du lait caillé. Ceux qui naissent ici sont à jamais des inconnus. Et si on ferme les yeux, pour se reporter des siècles et des siècles en arrière, ce furent toujours et éternellement les mêmes. Les figurants de l'histoire et de la vie. Ce même cœur du monde avec son salaire de misère, maquillé et costumé tantôt pour la révolution, tantôt pour la paix. Dans la grande tradition du feuilleton urbain, Milena écrit sur des sujets mineurs en apparence. La mode, les mendiants, sa concierge, le mariage. Mais toujours c'est un monde qu'elle décrit. Toujours c'est sa voix qu'on entend, faisant son miel du moindre détail, à la fois tranchante, drôle et mélancolique. En 1920 toutefois, c'est encore autre chose qu'elle propose à la revue littéraire tchèque d'avant-garde, Kmen. Traduire le soutier. Un texte de cet écrivain encore obscur qu'elle a autrefois croisé au café Arco. Ce Franz Kafka, dont son propre mari, Ernst Polak, lui a vanté le génie. Quand elle écrit à Kafka pour lui demander son autorisation, celui-ci se trouve depuis quelques semaines dans un sanatorium à Merano, où il soigne, sans trop y croire, la tuberculose dont il est atteint depuis 1917. Kafka n'était plus productif depuis longtemps à cette époque. Et il était fiancé à Julie Voricek. C'était une jeune femme qui était secrétaire de profession et qui travaillait aussi comme vendeuse dans un magasin de mode. Une femme simple mais très drôle, pleine d'esprit et très vivante. Je crois que Kafka recherchait une certaine vitalité, comme il l'avait fait avec Felice Bauer. Mais cette histoire n'a pas plu à ses parents. Dès qu'ils ont entendu parler de ses fiançailles avec Julie, Ils ont mené leur enquête et ils ont découvert que la famille de Julie était très pauvre et qu'il y avait eu un énorme scandale dans sa famille. C'est là qu'est née la lettre au père, qui est une réaction de la part de Kafka. Cette lettre a donc été écrite un an avant Merano et le début de la relation avec Milena en 1920. Ce conflit avec le père est une situation qui a eu une grande importance dans son histoire avec elle. Car je crois que c'est là que Kafka a pris sa décision. À partir de maintenant, je ne tiendrai plus le moindre compte de l'opinion des parents lorsqu'il s'agira de mes petites amies. Voilà sa situation à l'époque. Et ses fiançailles avec Julie étaient encore d'actualité lorsqu'il s'est rendu à Merano. L'idée de Milena était donc de traduire le soutier. Ce texte, c'est le premier chapitre du roman Le Disparu, l'Amérique. Mais Kafka l'avait fait paraître séparément. Il a tout de suite accepté, après s'être un peu renseigné sur Milena. Et bien sûr, il voulait savoir ce que devenait cette traduction. Il devait rester en contact, ne serait-ce que pour cette raison. « Chère Madame Milena, quand j'ai tiré le cahier de la grande enveloppe, je me suis trouvé presque déçu. C'était vous que je voulais entendre, non cette voix trop connue qui sort du vieux tombeau. Pourquoi s'est-elle interposée entre nous deux ? Et puis je me suis rendu compte qu'elle nous avait aussi servi de truchement. Je trouve d'ailleurs incompréhensible que vous ayez assumé une si lourde tâche, et bien profondément touchant que ça a été tout le long de mes petites phrases, avec tant de fidélité, du haut en bas, du bas en haut, une fidélité dont je ne soupçonnais pas la possibilité en tchèque, ni l'autorité naturelle avec laquelle vous l'exercez. Votre Franz K. » Dans sa relation avec Milena, il y avait d'abord la satisfaction bien compréhensible d'être reconnu et d'être traduit en tchèque, ce qui, pour Kafka, était très intéressant. Enfin, Philippe Zahr, professeur de littérature comparée. Il parlait le tchèque, sans l'écrire vraiment, hein, mais il le comprenait. C'était tout de même la langue nationale, d'autant que la République tchèque était née. Il y avait une espérance de reconnaissance aussi, et aussi cette passion de l'autre qui se révélait à travers cette femme non-juive, cette intellectuelle que Kafka rencontrait. Milena, elle était, d'une certaine manière, sa correspondante dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle était... Il était juif, elle était tchèque, elle était elle-même en rupture de ban, avec son père, notamment, comme Kafka pouvait l'être. Donc il y avait aussi un jeu de miroir tout à fait fascinant. Chère Madame Milena, que la journée est brève. Vous suffisez à la remplir, mis à part quelques bagatelles. La voilà déjà terminée. À peine me reste-t-il une bribe de temps pour écrire à la vraie Milena. L'encore plus vrai étant resté ici toute la journée dans la chambre, sur le balcon, dans les nuages. Je n'ai fait que lire votre lettre, vos articles, en me disant souvent que cette prose, naturellement, n'avait pas sa fin en elle-même, que c'était une plaque indicatrice sur le chemin qui menait à un être. Votre Franz K. Postscriptum. Puis-je recevoir encore une lettre d'ici samedi ? Qu'en pensez-vous ? Ce serait possible ? Mais cette rage de l'être est insensée. Une seule ne suffit-elle pas ? Ne suffit-il pas d'une certitude ? Bien sûr. Et cependant, on renverse la tête. On boit les mots, on ne sait plus rien, sinon qu'on ne peut pas cesser. Expliquez-moi ça, Milena. Madame le professeur Milena. Les lettres qu'il écrit à Milena, au début, on se dit, il recommence. Ça le reprend. Jean-Pierre Lefebvre, professeur émérite de littérature allemande et traducteur de Franz Kafka. Donc, il faut la séduire, cette fille. Bien des garçons, y compris dans la population juive de Prague, des jeunes hommes qui vont dans les cafés, etc., etc., ont déjà dans le collimateur. Elle a toute une série d'atouts de séduction, elle, dans son jeu, que n'avait pas de ce point de vue Felice. Et donc il commence de la même manière, la séduction dans la lettre. Là, comme j'ai traduit cette correspondance de 10 ans de près, j'ai retrouvé vraiment tous les procédés rhétoriques pour attirer son attention, en dire trop, mais pas trop, mais assez pour que ça marche, etc. Et effectivement, ça va finir par marcher. Belle amie, belle amie, belle amie. Il agit comme avec Felice Bauer, mais à un niveau supérieur en quelque sorte. C'est comme une spirale. Il a évolué, mais il s'en tient à un certain schéma. Et ce schéma consiste à croire qu'il peut, par le biais d'une correspondance très intense, prendre part à la vitalité de quelqu'un d'autre. Qu'il peut s'arrimer à la vie d'une autre personne et nouer avec elle une relation profonde sans tout de suite la rencontrer. Par ailleurs, malgré son jeune âge, Milena a déjà derrière elle une histoire passionnante. Kafka s'est toujours beaucoup intéressé aux personnes qui ont réussi à se libérer par leurs propres moyens. Il cherchait à savoir comment ont-ils fait. C'est pour ça qu'il lisait beaucoup d'autobiographies, par exemple de femmes qui ont rejoint le mouvement féministe. Comment ont-elles réussi à s'émanciper de leur famille bourgeoise, ou de politiciens, ou toutes sortes de gens, presque au hasard. Il voulait savoir. Comment fait-on? Comment réussit-on à se libérer de ses liens et à mener sa propre vie? Il lui semblait que Milena, malgré son jeune âge, y était parvenue. Et il voulait savoir comment. J'irais jusqu'à dire, c'est la première fois que Kafka rencontre une personne qui est encore moins prête au compromis que lui. Et pas uniquement sur le plan intellectuel, sur le plan affectif aussi. C'est ce qui lui a permis soudain de se libérer lui-même, du moins sur le plan du langage. Avec Milena, il a parlé de choses dont, je crois, il n'avait jamais parlé à quiconque auparavant. Dans une lettre, par exemple, il décrit sa première expérience sexuelle, sa première nuit avec une femme. Je ne pense pas qu'il ait jamais raconté ça à qui que ce soit par le passé. Qu'il ait pu le confier à une jeune femme, ça a dû être pour lui une expérience enivrante. Oui, Milena. Ce matin, je suis nu sur ma chaise longue, à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, après une nuit à peu près blanche. Comment aurais-je pu dormir quand, trop léger pour le sommeil, je ne cessais de voler autour de vous, réellement épouvanté, exactement comme vous l'écrivez vous-même dans votre lettre de ce matin, de ce qui était tombé sur moi. Épouvanté au sens du mot lorsqu'on dit des prophètes qu'étant encore, déjà, peu importe, étant donc de faibles enfants et entendant une voix les appeler, ils se sentaient épouvantés. Considérez aussi, Milena, l'état dans lequel je viens à vous. Songez aux 38 ans de voyage que je viens de fournir, et même davantage puisque je suis juif. Quand je vous rencontre à un tournant apparemment fortuit de la route, vous que je n'ai vraiment jamais espéré voir, surtout maintenant, surtout si tard, je ne peux pas crier, rien non plus ne crie en moi, je ne dis pas mille folies, je ne parle pas de celles que j'ai de trop, et je n'apprends que je suis à genoux qu'en voyant vos pieds tout près de mes yeux, en constatant que je les caresse. Vous, vous êtes solidement planté au pied d'un arbre, jeune, belle, et l'éclat de vos yeux supprime la souffrance du monde. En joue à Skatul Skatul Hebeitese, je me glisse dans l'ombre d'un arbre à l'autre, je suis à mi-chemin. Vous m'appelez, vous me signalez les dangers, vous voulez me donner du courage, mon pas incertain vous fait peur. Vous me rappelez la gravité du jeu, je ne peux plus, je tombe. Je suis à terre, je ne peux pas écouter en même temps votre voix et les voix terribles du monde intérieur. Mais je peux écouter celle-ci et vous le confier à vous comme à personne d'autre ici-bas. Votre F. La correspondance avec Milena, elle n'est qu'un labyrinthe, un labyrinthe enchanté, merveilleux. Il y a des pages sublimes. Enfin, on est dans un lieu qui est comme une forêt spirituelle. Yannick Enel, écrivain. Et il y a des pages qui sont quasiment les mêmes que dans son journal, au fond. Là, il s'adresse à quelqu'un, mais dans son journal aussi, il s'adresse toujours à quelqu'un, sauf que c'est à l'inconnu. Et je me suis rendu compte que tout avait lieu dans une forêt. Et la forêt, c'est le lieu où on ne peut pas habiter. C'est le lieu où l'on a peur, le lieu où l'on est exposé. En tous les cas, en tant que nous ne sommes pas des animaux, même si Kafka est aussi habité par de multiples animaux, où il creuse des galeries. Et c'est là que Kafka ne cesse d'inviter Milena à l'écouter. Et donc j'imagine, c'est presque drôle, enfin, cette jeune fille merveilleuse, plus qu'intelligente, géniale, elle aussi, recevant ces lettres-là, ces invitations, ces objurgations, cette mise à nu constante, parce que Kafka est toujours nu, c'est ça qui est fou aussi, cette dénudation par l'écriture, ce cœur qui est offert et en même temps interdit. Il y a le fait que Kafka se situe, quand il s'adresse à une femme qu'il aime, il se situe à ce point d'impossible qui est le lieu même de la littérature. Et il s'agit d'établir un piège. Parce que Kafka est sans cesse la proie, mais aussi le chasseur, en fait. Il est toujours en train de tirer les fils. Et c'est quand même lui qui dit oui ou non. C'est lui qui propose éventuellement le mariage et c'est lui qui le refuse. Donc il y a une fausse passivité kafkaïenne, en fait. C'est la position idéale. C'est quand même lui qui écrit beaucoup. Alors ça serait évidemment intéressant de savoir ce que lui répondait Milena. On le devine parfois, d'après certaines remarques que fait Kafka. Mais un jour, elle lui dit en tchèque que vraiment les choses, c'est uniquement quand ça lui convient, quand ça l'arrange. Donc c'est un reproche quand même. Elle n'avait pas peur. Enfin, elle a compris très bien, très vite à qui elle a affaire. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait là quelque chose qui relevait de l'immensité et du génie. Mais elle avait quand même pas peur de parler avec lui, et ça, c'était pas la petite traductrice impressionnée, écrasée par le poids du génie. C'était vraiment une jeune femme qui s'adressait à un homme en toute liberté, en toute indépendance, et qui disait ce qu'elle avait à dire. La première rencontre a donné lieu à une longue discussion. Milena lui a demandé de venir en personne après ce merveilleux échange de lettres. L'idée est venue à Kafka que, puisqu'il devait rentrer à Prague, il pourrait passer par Vienne. Puis il s'est rétracté, par crainte des conséquences que ça pourrait avoir. Il était toujours fiancé, il devrait s'expliquer avec Julie Voricek. Mais il a tout de même fini par accepter au dernier moment. Ils sont partis marcher dans la forêt viennoise, longuement, sans doute même toute la journée, en plein air. Ils ont parlé pendant des heures et ont sûrement partagé une grande intimité. Ils n'ont pas couché ensemble, probablement pas, mais il y avait une forte proximité physique. Sans peur de sa part. Il n'a peut-être jamais connu une telle proximité avec une femme de toute sa vie. Ils ont certainement évoqué ce problème de la peur à Vienne. Il a essayé de lui faire comprendre qu'il a un désir de la sexualité, mais qu'il en a peur aussi. De toute sa vie, il ne se débarrassera pas de cette ambivalence. Au bout de 4 jours, il était convaincu qu'ils pouvaient vivre ensemble. Car elle avait tout compris, même cette fameuse peur. Kafka a proposé, faisons comme ça. Tu quittes cette stupide ville de Vienne, la misère, la faim. Tu reviens à Prague, mais pas chez ton père, chez moi. Mon salaire suffit pour 2 personnes. Et nous pouvons vivre ensemble. Il avait peut-être même l'intention de vivre avec elle sans se marier. Une vraie révolution. Les plus belles de toutes tes lettres, et les plus belles, c'est beaucoup dire, car elles sont toutes ensemble et presque dans chacune de leurs lignes ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie, ce sont celles dans lesquelles tu donnes raison à ma peur, tout en essayant d'expliquer pourquoi je ne dois pas l'avoir. Car moi aussi, même si j'ai parfois l'air d'être son avocat soudoyé, je lui donne probablement raison au plus profond de moi-même. Que dis-je ? Elle compose ma substance. Et c'est peut-être ce que j'ai de meilleur. C'est peut-être aussi l'unique chose que tu aimes en moi. Que pourrait-on trouver d'autre à aimer en ma personne? Mais elle est digne d'amour. C'est pourquoi j'ai tant de gratitude, et pour toi et pour tout. Et c'est pourquoi aussi il est certain que je trouve auprès de toi la plus grande inquiétude en même temps que la plus grande paix, et la suprême liberté en même temps que la suprême contrainte. Pourquoi aussi, l'ayant compris, j'ai renoncé à toute autre vie. Regarde-moi dans les yeux. Mais elle ne pouvait pas tout de suite s'éloigner d'Ernst Pollack. Elle était encore liée à lui. Je pense que c'était aussi une sorte de dépendance sexuelle. Il devait y avoir dépendance pour inciter une femme aussi forte à rester alors qu'on la traite si mal. Kafka a été très déçu qu'elle le fasse patienter et lui dise « je ne peux pas partir si vite ». Il était très agité. Quand il est rentré à Prague, il a tout de suite raconté ce qui s'était passé à sa fiancée, Julie Voriček, qu'il avait rencontré une autre femme, qu'il ne pouvait plus être avec elle, que c'était impossible. Ça avait été tellement intense qu'il était impossible de faire des compromis. Il a été d'autant plus déçu que Milena ne soit pas aussi décidée que lui, qu'elle ait longuement hésité et qu'elle ait fini par refuser. Ça a été absolument terrible pour lui. Nous nous demandons réciproquement pitié, moi te suppliant de me permettre de retourner maintenant dans mon trou, toi me suppliant à ton tour. Comment cela se peut-il, demandes-tu? Voici à peu près ce qu'il en est. J'étais un animal des bois qui, en ce temps-là, ne vivait presque jamais dans la forêt, mais terré n'importe où, dans un sale fossé, sale en raison de ma seule présence, naturellement, lorsque je vis au grand soleil la chose la plus merveilleuse que j'eusse jamais aperçue, je ne songeais plus à rien. Je m'oubliais totalement. Je me suis levé, je me suis approché, craintif, au sein de cette liberté nouvelle qui me rappelait pourtant l'air natal. Je me suis approché malgré ma peur et je suis arrivé jusqu'à toi. Que tu étais bonne. Je me suis couché à tes pieds comme si j'en avais le droit et j'ai posé mon visage dans tes mains. Je me suis senti heureux, fier, libre, puissant, chez moi. Tellement chez moi. Toujours, toujours tellement chez moi. Mais au fond, j'étais resté la bête. Je n'appartenais qu'à la forêt. Je ne vivais ici au grand jour que par ta grâce. Sans le savoir, j'avais tout oublié. Je lisais mon destin dans tes yeux. Cela ne pouvait durer. Tu ne pouvais éviter, même me caressant de la main la plus bienveillante, de découvrir en moi des singularités qui relevaient de la forêt, de cette origine, de cette véritable patrie. Il a fallu te donner, fallu te répéter ces explications sur la peur qui me torturait, comme si j'avais les nerfs à nu. J'ai senti quelle plaie répugnante tu représentais dans ta vie et quel obstacle universel. Je me suis souvenu de ce que j'étais. Je n'ai plus lu d'illusion dans tes yeux. J'ai eu peur, comme dans les rêves, où l'on craint de se conduire comme chez soi, dans un endroit où l'on se trouve en intrus. Cette peur, je l'ai éprouvée dans la réalité. J'ai dû retourner à mes ténèbres, je ne supportais pas le soleil. J'étais désespéré, comme une bête égarée. Je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais, obsédé par l'idée « si je pouvais l'emporter ». Et par celle qui s'y oppose. Peut-il faire noir où elle se trouve? Tu me demandes comment je vis? Voilà comment. Les adieux étaient sa décision à elle. Elle a dit « je suis désolé, on ne peut pas vivre ensemble et je ne peux pas non plus venir à Prague. Je reste à Vienne avec mon mari pour le moment. » Au fond, c'est elle qui a mis un terme à leur histoire. C'est alors qu'il lui a dit « s'il te plaît, plus de lettres ». Mais ça s'est apaisé avec le temps et ils se sont revus plus tard, alors qu'il était déjà très malade. Elle est venue le voir chez les Kafka. Elle voulait voir Franz qui n'allait pas bien. Elle s'est assise à son chevet et ils ont continué à parler, comme avant à Vienne. Et c'est ce qui l'a amené à lui donner les journaux intimes. Un geste incroyable, il faut vraiment le dire, car même Max Brod, son ami de longue date, n'en connaissait pas l'existence. Nous ne les aurions sans doute pas aujourd'hui s'il ne les avait pas confiés à Milena, car il les aurait probablement brûlés à un moment ou à un autre. C'est donc grâce à ça que les journaux ont été sauvés. C'est une preuve de confiance incroyable, car elles contiennent beaucoup de choses très intimes, désagréables même. Il la pensait capable de lire tout cela. Les journaux ont été une sorte de cadeau d'adieu pour elle. Ce qu'est sa peur, je le sais jusqu'à la dernière fibre. Elle existait bien longtemps avant moi, avant qu'il ne me connaisse. J'ai connu sa peur avant de le connaître lui-même. Durant les 4 jours que Franck a passé de mon côté, il l'a perdue. Nous nous sommes moqués d'elle. Cette peur ne se rapporte pas à moi seulement, elle se rapporte à tout ce qui vit sans pudeur. Par exemple, la chair. La chair est trop dénuée de voile, il ne supporte pas de la voir. Quand il ressentait cette peur, il me regardait dans les yeux et après un moment, c'était passé. Je l'ai traîné derrière moi sur les collines qui se trouvent derrière Vienne. Et quand je ferme les yeux, je vois encore sa chemise blanche et son cou hâlé et l'effort qu'il faisait. Il a marché toute la journée. Il est resté au soleil. Il n'a pas toussé une seule fois. Tout bonnement, il se portait bien. Ce qu'on impute à la non-normalité de Franck est cela même qui fait sa valeur. Est-il possible que cet homme-là ait ressenti quelque chose qui n'eût pas été juste ? Il en sait sur le monde 10 000 fois plus que tous les hommes du monde. La peur qu'il avait était juste. Il n'y a pas un deuxième être qui ait la force immense qui est la sienne, cette nécessité absolue et irrévocable d'atteindre la perfection, la pureté, la vérité. Franck ne peut pas vivre. Franck n'a pas la capacité de vivre. Franck ne sera jamais en bonne santé. Franck va bientôt mourir. Nous sommes tous en apparence capables de vivre parce que nous avons eu un jour ou l'autre recours au mensonge, à l'aveuglement, à l'enthousiasme, à l'optimisme, à une conviction ou à une autre, au pessimisme ou à quoi que ce soit. Mais lui est incapable de mentir, tout comme il est incapable de s'enivrer. Il est sans le moindre refuge, sans asile. C'est pourquoi il est exposé là où nous sommes protégés. Il est comme un homme nu, au milieu de gens habillés. Milena n'oubliera jamais Kafka. À la mort de celui-ci en 1924, c'est elle qui publie la plus belle et la plus sensible des nécrologies dans le journal Narodni Listy. À cette époque, elle est de retour à Prague après s'être finalement séparée d'Ernst Polak. Dans cette république tchécoslovaque tout juste créée, elle est une journaliste en vue, frayant avec un milieu culturel en pleine effervescence, incarné notamment par le mouvement Deviatsil, Neuf Forces, très proche du surréalisme français. Indépendante, flambeuse et toujours fantasque, Milena personnifie la femme émancipée de ces années folles. C'est sa vie, cette vie intellectuelle, cette effervescence autour des artistes, de tous les intellectuels, écrivains, etc. Et elle rencontre assez vite l'architecte Jaromir Krajcar. Elle l'épouse et en 28, c'est la naissance de sa fille Jana. Et dans l'appartement qu'ils occupent à Prague, qui a été conçu par Krajcar lui-même, Jaromir Krajcar, c'est un défilé permanent de toutes sortes de gens, d'amis, etc., des discussions qui n'en finissent pas toute la nuit. Elle vit comme ça. Milena, elle voit tout le monde. Elle voit les gens du Deviatsil. Il suffit d'aller dans les cafés pour connaître tout le monde. Il y a quelque chose de gai, de très euphorique. Le plaisir de la grande ville, de la vie moderne. Il y a vraiment une sorte d'échappée qui va s'imposer comme une sorte de carte de visite de la Tchécoslovaquie moderne. On parle parfois d'un exceptionnalisme tchécoslovaque à l'intérieur de l'Europe centrale qui, à la même époque, est plutôt dirigée par des autocrates dans des pays qui sont plutôt conservateurs culturellement. Là, il y a vraiment une sorte d'échappée qui fait un peu rêver aujourd'hui. Si les années 20 ont été celles de l'insouciance, la décennie suivante, marquée par l'ascension du nazisme et le retour de menaces que l'on croyait disparues, signe pour Milena la conversion à une écriture de la vigilance et de l'engagement. Comme un grand nombre d'intellectuels parmi ses amis, elle adhère au Parti communiste tchécoslovaque, mais s'en détache pour toujours au moment des procès de Moscou, rétive comme à son habitude aux dogmes imposés et au dévoiement de la vérité. Ce que nous considérions comme blanc un jour, nous étions obligés de l'envisager comme noir le lendemain. « Je ne pouvais plus continuer comme ça », écrit-elle alors. Après cette rupture, elle devient l'une des principales plumes de Przytomnost, journal libéral dirigé par Ferdinand Perotka. Elle s'engage et elle commence à écrire ce qu'elle voit, ce qu'elle observe autour d'elle. Ça s'intensifie particulièrement en 1938 avec l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche. Elle va voir ce qui se passe dans les zones, là où arrivent des réfugiés allemand qui fuit le nazisme, elle va voir les gens. Elle rend compte de ce qu'elle voit, de cette misère, misère tout court, misère politique. Voilà, c'est ça qu'elle fait. En des époques plus calmes, il est probable que des gens tout à fait différents vivaient côte à côte et ne se souciaient guère de politique. La politique ne les brûlait pas, ne semblait même pas les concerner, se menait quelque part loin d'eux. Aujourd'hui, la politique a pénétré le logis des petites gens, dans leurs deux pièces cuisine, cabinet de toilette, s'est attablée dans les salles à manger autour des nappes en macramé et gronde à travers le poste de radio d'où naguère ne s'envolaient que des chansonnettes. Désormais, M. Novotny se déclare tchèque avant tout, et son bon voisin M. Kohn est juif, et le fils du locataire Keller arbore des chaussettes blanches à la bavaroise, et M. Svoboda se dit social-démocrate. En bas, au sous-sol, vivent aussi deux émigrés, deux socialistes allemands. Ils n'ont qu'un permis de séjour provisoire, à l'exclusion de tout autre document, ne travaillent pas. Et tous les locataires de la maison, les Tchèques, les Allemands, les Juifs compris, sont un peu gênés par leur présence. Les États ont fermé leurs frontières. Le déferlement des étrangers menace leur équilibre interne. Mais ceux-ci affluent tout de même, sans papier, à pied, à main nue. Le vent permanent de ce tri qui s'opère entre êtres humains souffle aussi sur nous. Dans les rues de Prague, on sent monter une tension sourde entre les gens, une tension dangereuse qui nous vient de loin, d'une Allemagne hostile et étrangère. Dans les petites auberges, ça discute ferme. Que va faire l'Angleterre? Qu'est-ce que Hitler a dans la tête? Oui, ce sont là des questions importantes. Mais avant tout, nous devons savoir une chose. Ce que nous ferons nous-mêmes. Non pas à l'échelle de la scène internationale, mais à cette dimension privée dont le rayon englobe 3 rues et demie, le trajet quotidien de la maison au travail et le 2 pièces cuisine. Il n'est pas vrai que nous comptons pour rien. Aujourd'hui, tout le monde compte. Chacun d'entre nous compte. La plus grande maladie des Européens, c'est la facilité avec laquelle ils cèdent. Ils ne se défendent pas. Ils rendent les armes et se soumettent. Car après tout, il faut vivre. Le plus urgent est de savoir comment nous voulons vivre et de considérer que cela est aussi important que la vie elle-même. Aujourd'hui, une lourde tâche incombe à chacun d'entre nous, trouver l'exacte ligne de partage entre le sang-froid et la lâcheté, entre le courage et l'explosion des passions. Cette ligne de partage, ce ne sont pas seulement les dirigeants de notre État qui doivent aujourd'hui la tracer, mais nous, de nos propres mains humbles de petites gens. Face à ce danger nazi, se manifeste cet autre aspect de son caractère, c'est-à-dire cette solidarité avec tous ceux qui sont opprimés par le nazisme où ? Là où le nazisme est au pouvoir, c'est-à-dire en Allemagne, Prague se remplit de réfugiés allemands, hein, parce qu'ici c'est la démocratie. Et donc Milena, avec ma grand-mère d'ailleurs, sont très actives dans un organisme qui les aide à trouver les logements, pour le financement, etc. Alors il y a une très grande solidarité avec les gens qui fuient. Elle aide autant que possible, elle aide les gens qui se sont réfugiés à Prague. Et puis, très vite, elle comprend aussi que ces gens, il faut les aider à ne pas rester à Prague, parce que c'est trop dangereux. Et c'est là qu'elle met en place un système. Alors, son appartement devient une espèce de plaque tournante pour les réfugiés qui, quand ils arrivent, il y en a qui sont méfiants, qui comprennent pas très bien qui est cette personne. Et alors, elle met ça en place avec un homme qui s'appelait Joachim von Zedwitz, lui qui a survécu, qui jouait de sa réputation et de son apparence de dandy. Il avait une voiture décapotable, tout ça. Enfin bon, il faisait un peu l'idiot. Un petit peu le jeune écervelé, dandy, comme ça. Puis il faisait passer des gens vers la Pologne. Alors, la Pologne, c'était pas non plus forcément une bonne idée parce qu'on a vu ce que ça a donné après. Voilà, donc elle a fait passer comme ça pas mal de monde en renonçant à faire quoi que ce soit pour elle-même. Monsieur Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1939, les troupes nazies pénètrent dans Prague. Immédiatement, le directeur de la revue Przytomnost, Ferdinand Perlotka, est arrêté. Milena prend la relève. Quand Ferdinand Peroutka a été arrêté, il lui a confié la responsabilité de Přítomnost. Mais très rapidement, dès septembre 1939, le journal a été interdit. Milena a alors commencé à écrire pour un journal clandestin qui s'appelait Vboj. Elle s'est aussi beaucoup impliquée dans un réseau de résistance clandestin, Défense de la Nation. En novembre 1939, alors qu'elle avait envoyé sa fille Honza dans un appartement pour récupérer des exemplaires du journal clandestin Vboj, sur place, au lieu des propriétaires, il y avait un homme de la Gestapo tchèque. Jaroslav Nachtman. Který s Honzou potom šel. Il a obligé la petite Honza à le conduire chez Milena et il l'a arrêté le 12 novembre 1939. Il y a eu des interrogatoires, d'abord à Prague, puis à Dresde, puis retour à Prague, où là, elle avait cru que c'était terminé, qu'elle allait être libérée, et puis après Ravensbrück. C'est le 21 octobre 1940, au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, que je reçus la première lettre de Milena. Margaret Bebernemann, communiste allemande réfugiée en URSS, déportée au Goulag et livrée par les soviétiques aux nazis, qui la déportèrent à Ravensbrück. Il s'agissait d'un morceau de papier qui me fut subrepticement glissé dans la main alors que je me trouvais dans l'allée qui traverse le camp. Milena avait entendu parler de mes mésaventures par une Allemande arrivée au camp par le même transport qu'elle. La journaliste Milena Jesenska voulait donc me parler. Elle voulait savoir s'il était vrai que l'Union soviétique avait livré à Hitler des militants antifascistes qui avaient émigré en URSS. C'est pendant la promenade des nouvelles arrivantes que Milena vint à moi. Elle se présenta en disant « Milena, de Prague ». Sa ville natale était plus importante pour elle que son nom de famille. Je n'oublierai jamais le geste qu'elle fit pour me saluer cette première fois. La force et la grâce qui accompagnaient ce geste. Elle se comportait sur l'allée du camp de concentration exactement de la même façon que si l'on nous avait présenté l'une à l'autre sur le boulevard de quelque ville paisible. Elle faisait traîner en longueur les salutations. Pendant les premiers instants, son insouciance m'avait mise hors de moi. Puis elle avait commencé à me fasciner. J'avais en face de moi une personnalité que l'on n'avait pas brisée, un être libre parmi les humiliés. Ce qui ressort du témoignage de Margarete Buber-Neumann, qui est magnifique, c'est que Milena était, à ce moment-là, comme auparavant, un personnage de lumière et d'intelligence. Elle arrive, et pourtant elle n'est pas vraiment en bonne santé, elle a des problèmes rénaux qui vont finir par l'emporter d'ailleurs, mais elle est décidée à braver tout, y compris le fonctionnement du camp. Elle trouve le moyen de se promener dans des endroits interdits avec Margarete Buber-Neumann, etc. Elle n'a peur de rien. C'est ça qui est tout à fait étonnant. On peut même se demander comment elle a pu tenir de 40 à mai 44, parce qu'avec tout ce qu'elle faisait, avec tout ce qu'elle osait faire, bon, ce qui l'a protégée, c'est qu'elle a pu être casée quand même à l'infirmerie. Donc elle n'avait pas le statut des détenus ordinaires. C'était un peu moins insupportable. Et puis cette volonté qu'elle avait en elle, cette force de vie extraordinaire, enfin qui fait qu'elle elle tenait quand même jusqu'au moment où c'est vraiment la maladie qui l'a emportée. Lettre de Margaret Bebernemann à Jan Jesenski. Le 29 mai 1944. Cher professeur Jesenski, Milena est morte le 17 mai à 3h30 du matin. Ces dernières pensées conscientes ont été pour vous et pour Hansa. Auprès d'elle, il était impossible de croire à la mort. Il est inconcevable qu'elle ne soit plus là. Puis-je vous parler de Milena? De Milena à qui je dois les plus belles et aussi les plus tristes années de ma vie? Personne n'a connu cette force de vie, ni éprouvé des sentiments d'une telle intensité. Mais personne n'a connu d'aussi grandes souffrances. Milena avait compris la tragédie de notre génération, car elle savait réfléchir. Elle avait l'intention de mettre ses réflexions sur le papier, parce que depuis des années, elle se doutait qu'elle ne reverrait jamais la liberté, qu'elle n'arriverait pas jusque-là. Elle m'avait dit « Je sais que toi au moins, tu ne m'oublieras pas. Grâce à toi, je peux continuer à vivre. Tu diras aux hommes qui j'étais et auras pour moi la clémence d'un juge. » Combien de fois aussi m'a-t-elle dit « Il faut encore que j'écrive un livre. Le livre. Il faut que je crée quelque chose d'éternel. » Par sa vie, Milena a créé de l'éternité. Avec Thomas Kunz, Hélène Belletto-Sucel, Xavier Galmiche, Marie Iraskova, Peter Fleischmann, Rainer Starr, Philippe Zarr, Yannick Henel et Jean-Pierre Lefebvre. Les textes de Franz Kafka sont lus par Rainer Sievert, ceux de Milena Jesenska par Anne-Lise Heimburger, et les lettres de Margaret Bebernemann par Andrea Schiffer. Avec les voix de Laurent Lederer et Sonia Masson. Traduction, Mirka Valova, Régis Quatresous. Documentaliste, Inès Barja, Annie Signoret et Antoine Villoz. Assistante de production, Ottilie Rachel. Prise de son, Alexandra Bergel, Hélène Langlois, Thomas Robin, Cédric Chatelus, Valérie Lavalard et Sébastien Royer. Mixage, Régis Nicolas. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordinatrice, Perrine Kervran. Un documentaire de Rudy Lberman, réalisé par Julie Béressy.